Nom de lieu, part 2, appellations différentes en anglais et en français. Reading down the list. L'ascenseur. La bibliothèque. Le bureau. Le couloir. L'édifice. L'entrée principale. Le hall d'entrée. La librairie. Le magasin. Le dépanneur. La maison. La pièce. Le rez-de-chaussée. La salle d'attente. La salle de conférence. La salle de courrier. Le salon. La sortie. Le sous-sol. Le terrain de stationnement. La toilette des femmes. La toilette des hommes. La tour nord. La tour sud. La tour est. La tour ouest.